Section 65 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 15. L'Europe de l'Est, première partie. Grandeur de la Pologne, suite, par Ernest Denis. Vitovt, la bataille de la Vorskia et le grand projet tchèque. La convention de Horotlo est l'œuvre de l'oligarchie polonaise, qui à ce moment préside souverainement aux destinées du royaume. Très infatué de son pouvoir, dissimulé et soupçonneux, Jagellon n'avait ni la fermeté d'âme, ni l'intelligence nécessaire pour maintenir son autorité en face des grandes familles auxquelles il devait le trône. Sans appui dans un pays qu'il connaissait mal, docile aux ordres de l'Église et comme brisé par sa conversion, il s'abandonne à la direction d'une aristocratie hautaine dont il serait injuste de contester le patriotisme et l'intelligence, mais qui confond trop souvent les intérêts permanents du pays et ceux de sa caste. Le roi devient l'instrument docile des volontés du Sénat, qui ne représente que la haute noblesse et dans lequel les évêques jouent un rôle prépondérant. La Pologne se trouvait alors à un des grands tournants de son histoire. La révolte hussite avait réveillé les idées de solidarité slave. Les ambassadeurs tchèques offraient la couronne de Bohême à Jagellon. Une admirable occasion se présentait de fonder en face de l'Allemagne un empire slave devant lequel seraient tombées presque sans combat toutes les conquêtes de la race germanique. Les hussites se montraient disposés à se rapprocher de l'Église grecque. Une fortune inattendue offrait aux slaves le moyen d'effacer en un jour les suites lamentables du schisme moral qui les avait brisées en deux tronçons ennemis. Bien que la séparation fût déjà lointaine, les souvenirs de l'ancienne unité sommeillaient au fond des âmes, et les appels éloquents de Ziska avaient eu un profond retentissement. Dans la petite noblesse, en particulier, il eût été facile de recruter un redoutable parti qui voyait dans l'alliance hussite la satisfaction de ses haines nationales, l'occasion de mettre la main sur les biens du clergé et le moyen de se débarrasser d'une oligarchie oppressive. Les avantages de cette politique slave furent nettement aperçus par Vitovt. Fils de Kestut, Vitovt avait forcé Jagellon à lui céder le gouvernement de la Lituanie avec le titre de grand prince, 1392. Nous le connaissons mal, mais ce que nous savons de ses projets et de ses actes permet de voir en lui un des souverains du Moyen-Âge qui ont le plus d'avenir dans l'esprit. Grâce à lui, le christianisme triomphe définitivement des résistances païennes, la civilisation se développe, des colons étrangers arrivent en grand nombre, le commerce prospère et les villes grandissent. Mais Vitovt n'oublie pas les traditions de Kestut. Comme lui, il voit dans les Russes le véritable soutien de sa puissance, et il s'attache à mériter leur confiance. Maître de la principauté de Smolensk, dont il a achevé la conquête au début de son règne, il ne lui manque pour posséder la Russie entière que Pskov et Novgorod, où a pénétré son influence, et la Souzdali et Riazan, qu'affaiblissent leur rivalité. Il n'a besoin que d'une campagne heureuse pour achever à son profit la reconstitution de l'empire de Saint-Vladimir. Il espère justifier à la fois et hâter son triomphe en détruisant l'empire des Tatars. La célèbre bataille de la Vorskla, 1399, où les troupes lituaniennes et polonaises furent écrasées par les hordes asiatiques de Timur Koutloui, ruina ses espérances. Trois siècles devaient s'écouler avant que les provinces riveraines de la mer Noire fussent définitivement soustraites aux déprédations des Tatars. Vitovt ne se laissa pas abattre par ce terrible revers, mais il reporta de préférence ses regards vers l'ouest. Sans renoncer à reprendre un jour sa marche vers l'Asie, il s'occupa d'asseoir solidement sa domination sur les provinces qu'il possédait déjà. En nommant métropolitain de Kiev un savant moine bulgare, Grégoire Tsamblak, il s'affranchit de la suzeraineté ecclésiastique que Moscou avait jusqu'alors exercé sur ses provinces russes, et il s'appliqua à s'attacher les orthodoxes en ménageant leur foi. Pour cimenter l'union des divers pays qu'il gouvernait, il comptait sur une guerre victorieuse qui, entreprise à la fois contre l'Église romaine et contre l'Allemagne, donnerait satisfaction aux sentiments nationaux et religieux de ses sujets. Vladislav Jagellon refusa de s'engager dans la voie que lui indiquait Vitovt, ou plutôt l'aristocratie polonaise ne le lui permit pas. À la politique nationale, elle préféra la politique catholique. Il serait inexact d'ailleurs de croire qu'elle ne fût déterminée que par des considérations égoïstes. Sans doute, elle flairait dans Vitovt un maître qui voulait limiter ses privilèges et accroître le prestige de la royauté. Mais de plus nobles considérations se mêlaient à ses inquiétudes. On demandait à la Pologne de rompre avec ses traditions les plus anciennes. N'était-ce pas l'Église qui avait été son introductrice en Europe et qui, aux heures difficiles, l'avait protégée non seulement contre les empereurs, mais même contre les chevaliers teutoniques? N'y avait-il pas à la fois ingratitude et lourde imprudence à reconnaître ses services par une défection? N'était-ce pas d'ailleurs mettre le royaume à la suite de la Lituanie et renoncer bénévolement à une hégémonie que tout justifiait? Très désireux d'assurer l'indissoluble alliance des deux États, les oligarques pensaient fort justement qu'elle resterait précaire tant que les provinces occidentales ne seraient que l'apanage d'un prince. Ils poussaient activement vers l'Est la colonisation polonaise et recouraient à tous leurs moyens d'action pour transformer leur suzeraineté nominale en possession définitive. Ils gagnaient les classes supérieures en les appelant au partage de leurs prérogatives, étendaient leurs exploitations en Volhynie et en Podolie, y appelaient des milliers de colons. Leur domination dans ces provinces était intimement liée au progrès de l'Église catholique. Ils avaient obtenu du pape, en 1375, la fondation d'un archevêché à Galitch. Il fut, plus tard, transporté à Lviv, d'où relevèrent les évêchés de Przemysl, de Chelm et de Vladimir. Vers la fin du XIVe siècle, un évêché fut fondé à Kamieniec, pour la Podolie. Pouvait-on, pour un profit vague et problématique, se résigner à perdre les fruits d'un siècle de persévérance? Zbigniew Olesnikl. Les résistances instinctives de la faction aristocratique et catholique furent exploitées et servies par l'évêque de Cracovie, Zbigniew Olesniki, qui, jusqu'à la bataille de Varna, reste le véritable inspirateur de la politique polonaise. Jagellon, qui ne l'aimait pas, n'osa jamais secouer sa direction. Et après lui, l'évêque de Cracovie, même lorsque ses adversaires l'ont forcé d'abandonner la direction du conseil, conserve une influence prépondérante. En 1430, Vitovt, qui cherchait à poursuivre sans la Pologne et contre elle les plans qu'il avait espéré réaliser avec son concours, meurt au moment où il espérait obtenir la couronne royale et rompre les liens qui le rattachaient encore à Jagellon. Avec lui disparaît le seul adversaire que put redouter Zbigniew. La Lituanie perd dès lors toute importance. Elle disparaît de l'histoire. Les tentatives de résistance qui s'y produisent encore contre la domination polonaise ne sont plus que les dernières convulsions d'un organisme épuisé. La noblesse abdique ses ambitions nationales, vend, au prix de quelques privilèges, la gloire qu'avaient rêvé pour elle ses princes. Et au lieu d'être la médiatrice entre les Slaves de l'Est et ceux de l'Ouest, n'est plus que l'avant-garde de la Pologne contre la Russie. Menacés dans leurs croyances et blessés dans leurs intérêts, les orthodoxes supportent avec impatience la domination polono-lituanienne et commencent à regarder vers les moscovites comme vers des libérateurs. Le péril de ce côté est encore lointain, et Zbigniew ne le prévoit pas. Il assure, par la constitution de Jetlno ou de Cracovie, les droits de l'aristocratie. Elle les met à l'abri de tout retour offensif de la royauté. 1433. La petite noblesse est dépendante. Les villes indifférentes, l'opposition religieuse a été réduite au silence par les supplices. Pendant la fin du règne de Jagellon, sous son successeur Vladislav III, 1434-1444, et pendant les 10 premières années du règne de Casimir IV, l'évêque de Cracovie a les mains libres et il apporte à la réalisation de ses plans une absence complète de scrupules, une remarquable persévérance, une rare netteté de vue et une hardiesse singulière. Olesniki fait de la Pologne ce qu'elle restera désormais, le chevalier de l'Église. D'esprit fort libre, partisan des conciles contre le pape, il n'admet pas que l'on conteste la suprématie catholique, et l'union religieuse à laquelle il convie les orthodoxes implique avant tout leur soumission à Rome. Grâce à lui et à l'appui qu'il trouve chez les boyards, la convention de Florence 1439, dont l'effet fut à peu près nul en Grèce et en Moscovie, reçoit un accueil assez favorable dans les provinces soumises à la Pologne. Les relations plus intimes avec l'Europe occidentale favorisent le progrès des Lumières. Les Polonais avaient déjà joué un rôle assez important au Concile de Constance. Ils sont représentés à Bâle par l'évêque de Posen, Stanislas Sciolek, que désignait à ce poste ses goûts et ses travaux et qui y tient une place fort honorable. En contact familier avec les esprits les plus éminents de l'Italie, les ambassadeurs apportent avec eux un parfum d'humanisme. Un premier souffle de la Renaissance pénètre dans le royaume. L'université de Cracovie est un centre d'études fort animé, et parmi ses élèves se recrute toute une école de philosophes, d'historiens, de juristes et de mathématiciens. C'est là que se formera Copernic, 1473-1543, et qu'il préparera son ouvrage sur les révolutions des globes célestes. Grégoire de Sanok, archevêque de Lvov, mort en 1479, y combat les anciennes méthodes et les procédés de la scolastique qu'il nomme Somnia Vigilantium. De Lugos, 1415-1480, l'ami de Lesniki et le précepteur des enfants du roi, y commence sa grande chronique polonaise, qui témoigne à la fois d'un patriotisme si ardent et d'une érudition si consciencieuse. À ce peuple généreux et héroïque, dont l'imagination est prompte à s'exalter, Zbigniew propose comme but de son activité au dehors la défense du christianisme contre les infidèles. Il lui prêche la croisade et lui présente les prestigieuses images devant lesquelles s'obscurciront si souvent les intérêts essentiels du pays. Les secours que l'Allemagne divisée et sceptique refuse à la Hongrie, Vladislav les lui apporte. Le désastre de Varna, 1444, où périt le roi de Pologne et de Hongrie, réveilla la Pologne de ce beau rêve. Zbigniew essaya de retenir la puissance qui lui échappait. La fortune avait prononcé contre lui, et avant de mourir, il put assister au triomphe d'une politique opposée à la sienne. Par malheur, la trace de son action ne s'effaça pas. En dépit de quelques hésitations, la Pologne demeura fidèle aux traditions de Lesniki. Elle oublia de plus en plus ses origines slaves pour ne songer qu'à ses devoirs envers l'Église. Elle fut le martyr de sa foi après en avoir été le chevalier. Casimir IV Jagellon, chute définitive de l'ordre teutonique. Le frère de Vladislav III, Casimir IV, 1447-1492, qui était déjà grand prince de Lituanie, n'accepta pas sans hésitation la couronne de Pologne. Il y a peut-être quelque exagération dans les éloges que lui accordent les historiens les plus récents. Il ne sut pas tirer des circonstances tout le parti possible, et se contenta trop souvent de gouverner au jour le jour. Mais on ne saurait lui contester le sens du gouvernement, la netteté de l'esprit et l'activité. Son règne est capital dans l'histoire de la Pologne. Il marque la fin de l'oligarchie qui gouvernait depuis un siècle. Avec lui commence le nouveau parlementarisme et la domination de la Szlachta, petite noblesse. À peine installé sur le trône, Casimir rompt ouvertement avec la politique de Zbigniew. Il se rapproche des Hussites et attaque l'ordre teutonique. Les sujets de celui-ci étaient depuis longtemps en lutte ouverte avec leur maître. En 1454, ils offrirent la couronne à Casimir. La guerre dura 13 ans. Elle fut poursuivie avec une violence sauvage, et les teutoniques ne succombèrent après une résistance acharnée que lorsque leurs finances épuisées, ils furent abandonnés par leurs mercenaires. La paix éternelle de Thorn, 1466, laissa à la Pologne la Prusse occidentale avec Marienbourg, Thorn, Danzig et Helbing. Le grand maître conserva la Prusse orientale avec Königsberg, mais il se reconnut vassal du roi de Pologne, s'engagea à le soutenir dans toutes ses guerres, à ne conclure aucune alliance et à n'entreprendre aucune expédition qu'après avoir obtenu son approbation. Ainsi périssent la gloire et l'honneur du monde, écrit tristement la chronique de l'ordre. Les chroniqueurs prussiens semblent au contraire n'avoir pas eu la moindre conscience de la gravité de ces événements. La joie d'échapper à une guerre épouvantable et la haine des chevaliers étouffaient chez eux tout sentiment national. Cette défaite du monde germanique, une des plus graves qu'il ait jamais subie, n'éveilla dans les hommes ni protestation ni douleur. Les Slaves, au contraire, poussèrent un long cri de joie en voyant enfin la victoire couronner leurs efforts séculaires. « Je me réjouis fort, » écrit Dlugos, « de la reprise des pays autrefois arrachés à la Pologne. Je voyais avec douleur le royaume divisé entre divers peuples, et je m'estime heureux, moi et mes contemporains, après tant d'années de séparation, de les voir enfin rendus à la patrie. » En même temps, la langue slave reparaissait en Silésie, et les bourgeois allemands de Breslau, réduits à leur seule force, y soutenaient à grand-peine une lutte inégale contre les Tchèques. Les Polonais ne surent pas s'assurer la possession définitive des domaines qu'ils avaient retrouvés. Les nouvelles provinces conservaient une autonomie complète. Au lieu d'en hâter la fusion avec le reste du royaume, les vainqueurs les parquèrent dans leurs privilèges. Les villes, dont l'influence eût pu être si favorable dans les diètes, furent exclues des affaires par une noblesse imprévoyante et jalouse. Tenus en quarantaine, les Allemands restèrent toujours des étrangers et les deux races conservèrent leurs défiances et leurs rancunes. La Pologne à la fin du Moyen Âge. À ce moment, la force d'attraction de la Pologne semblait irrésistible. Les provinces qui étaient encore détachées de la couronne lui revenaient l'une après l'autre. La Mazovie était réunie au royaume. Si Casimir ne mettait pas la main sur la Silésie, c'était uniquement pour ménager les Tchèques. En 1471, son fils Vladislav était élu roi de Bohême, et en 1490, les Magyars lui offraient la succession de Matthias Corvin. Solidement établie sur la Vistule, qu'elle possédait désormais tout entière, la Pologne étendait son influence de l'Adriatique au Dnieper et de la Baltique à la mer Noire, dominant ainsi toute l'Europe orientale. Ces succès n'avaient été obtenus, ils ne pouvaient être maintenus que par de profondes modifications dans l'organisation politique du pays. Le régime institué par Casimir le Grand avait subi une lente déformation qui avait substitué à un sage équilibre entre les diverses classes contenues dans leurs ambitions et protégées dans leurs droits par l'action médiatrice de la royauté, l'autorité souveraine de quelques grandes familles. Une oligarchie ambitieuse et cupide opprimait la petite noblesse, écartait des affaires les classes inférieures et réduisait les monarques à n'être que les instruments passifs de ses volontés. Les institutions du Moyen Âge qui se survivaient ne répondaient plus aux besoins nouveaux. Si l'on voulait que les récentes victoires ne fussent pas sans lendemain, il fallait pourvoir l'État de ses organes essentiels, restaurer la monarchie, resserrer les liens de l'administration, substituer une armée véritable aux milices féodales, assurer enfin à la couronne les ressources financières nécessaires. Cette révolution, Casimir IV, et cela suffit pour illustrer son nom, en entrevit la nécessité, et il essaya de l'accomplir. La tâche était relativement facile. La haute aristocratie, très exclusive, n'avait à compter que sur elle-même. Il n'existait ni princes apanagés, ni féodalité sur laquelle elle pût s'appuyer. Des rapports fréquents avec l'Italie et l'étude de l'Antiquité avaient répandu parmi les jeunes gens une conception politique très favorable au projet du roi. Une école de légistes très influente s'était pénétrée des théories romaines et combattait les privilèges au nom de la majesté de la nation incarnée dans le souverain. Leurs aspirations furent traduites avec d'autant de précision que d'éloquence, dans le célèbre mémoire Monumentum pro ordinanta républicain, que présenta à la diète de 1459 le docteur en droit Jean Ostrorog. Leur hardiesse ne s'épuisait pas en paroles, et lorsque Casimir IV leur confia les grandes charges du royaume, ils apportèrent à ces réformes l'appui de leur science et de leur dévouement. Les difficultés de la guerre contre les Teutoniques fournirent au roi une incomparable occasion pour étouffer les résistances de l'oligarchie. Quand il demandait de l'argent et des hommes, les grands lui opposaient les coutumes. Sûr de l'opinion publique, il passa outre, écarta du conseil les opposants, imposa de sa propre autorité de nouvelles redevances. Les hauts dignitaires durent abandonner le rôle de représentant du peuple et de contrôleur du prince qu'ils affectaient, et ne furent plus que des fonctionnaires. Ceux qui refusèrent de se résigner furent destitués. Quelques-uns, qui essayèrent de la révolte, livrés aux bourreaux. Les évêques perdirent leur hautaine indépendance, et les chapitres nommèrent les candidats présentés par le roi. L'ordonnance de 1477 décida que tous les propriétaires fonciers, laïcs ou ecclésiastiques, seraient tenus de fournir un nombre déterminé de soldats. Des circonstances analogues aboutissaient en France, vers la même époque, à l'établissement de la monarchie absolue. Seulement, tandis que les réformes de Charles VII n'étaient que l'expression dernière d'une lente évolution et comme le résultat naturel d'une longue histoire, le gouvernement de Casimir IV avait eu à vaincre des traditions invétérées. Pour briser les résistances, il s'était appuyé de préférence sur la petite noblesse et il en avait préparé la domination. En 1454, pendant une expédition contre l'ordre, les nobles lui avaient présenté leurs griefs, menaçant d'abandonner l'armée s'il ne faisait pas droit à leurs réclamations. Les statuts de Niezawa sont, disent les historiens polonais, la grande charte de la Pologne. Ils garantissent en effet la liberté individuelle, interdisent les arrestations arbitraires, neminem captivabimus nisi jure victum, ordonnent qu'aucune loi ne sera valable, ni aucun impôt régulier qu'après le vote des diétines. De là est sorti le parlementarisme nobiliaire. Les diétines des provinces se montrèrent en général assez dociles. Casimir IV, pour faciliter son administration et resserrer l'unité nationale, convoqua à des délibérations communes les représentants des grandes divisions historiques du pays, la Grande-Pologne, la Petite-Pologne et la Russie rouge. Enfin, en 1468, il réunit à Piotrków les députés, nuntii terrestres, des divers voïvodats. Ainsi naquit l'Izba Poselka, la Chambre des députés, qui avec le Sénat, c'est-à-dire avec le Conseil des hauts dignitaires et des principaux conseillers du roi, forma la diète générale du royaume. D'où vient cependant que ce régime parlementaire n'ait donné que d'aussi misérables résultats? Casimir IV en est en partie responsable. Satisfait de la bonne volonté qu'il rencontrait, il ne songea pas à asseoir sur des bases permanentes la puissance de la royauté. L'autorité du souverain resta toute personnelle, dépendit des qualités et de l'énergie du prince. Elle n'eut pas pour support ses institutions politiques et administratives, qui sont nécessaires pour suppléer aux défaillances individuelles et aux intérims. L'absence de ces institutions fut particulièrement funeste ici, parce que les successeurs de Casimir furent en général indifférents, médiocres ou faibles. D'autre part, les hauts dignitaires et les grandes familles, compromises par leur passé, redoutées par le roi et jalousées par la foule des nobles, ne réussirent jamais à constituer une véritable aristocratie. Leur influence, souvent considérable, fut toujours contestée, et pour la conserver, il leur fallut mendier la faveur du souverain ou les bonnes grâces des députés. Peu à peu, le pouvoir se concentra tout entier dans la slashta, c'est-à-dire dans une ochlocratie nobiliaire, turbulente et besogneuse, plus jalouse de ses droits que capable de les exercer, patriote, mais incapable de desseins suivis et de dévouement persévérant. Les villes furent complètement écartées des affaires, les paysans réduits au servage. L'oligarchie du XVe siècle fut ainsi remplacée, en dernière analyse, par un despotisme anarchique qui ne réussit à accomplir aucune des réformes indispensables. la prospérité déclina rapidement et la grandeur du pays, au dehors, ne se maintint quelque temps encore que grâce à la force acquise, à la vaillance d'une race chevaleresque et surtout à la longue faiblesse des nations voisines. Fin de la section 65.